C'est parti! C'est déjà la méga-vente Black Friday chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Robertval. Pendant tout le mois de novembre, nous sommes en Black Friday. Nous vous offrons donc des taux d'intérêt à partir de 0%, des rabais extrêmement avantageux sur tous nos produits. En plus, Jean Dumas Ford vous fait un cadeau. Recevez l'ensemble performance, pneus, roues, capteurs de pression, ainsi qu'une télé 55 pouces. Profitez avant tout le monde du Black Friday dans les trois Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. Lancement d'un livre aux éditions Urtibiz sur la carrière de Steve Bégin. On sait qu'hier, on a parlé avec Jacques Dussault, le coach, mais là, c'est maintenant, c'est un livre qui a sorti la semaine dernière, qui est écrit par Luc Gélina du Réseau des Sports, que tout le monde connaît. Luc Gélina qui a sorti une série de livres également avec les jeunes. On lui parle. Bonjour, Luc. Oui, bonjour. Luc, c'est aux éditions Urtibiz. La première question, je l'ai reçue ce matin, d'ailleurs, des éditions. Et moi, je vais te dire une affaire, je vais être honnête avec toi, j'avais beaucoup, beaucoup de réserves sur Steve Bégin. Je me dis, pourquoi avoir écrit une carrière sur Steve Bégin? Parce que c'est un gars qui a connu une belle carrière, qui était fougueux, qui l'a pas eu facile. Par contre, il y en a plusieurs des gens qui ont atteint la Ligue nationale qui sont le même type que Steve Bégin. Mais après avoir lu le préface, on s'aperçoit que Steve Bégin l'a pas eu facile dans sa jeunesse. Et c'est peut-être pour ça que vous avez décidé d'écrire un livre, ça. Ben, c'est en fait, oui, mais c'est vraiment au-delà de la jeunesse. C'est l'ensemble de la carrière de Steve Bégin. Parce que Steve Bégin, c'est le dépassement de soi, c'est la persévérance même. Puis un livre comme ça, selon moi, c'est un livre qui va encourager, qui va surtout inspirer les lecteurs et pas seulement les joueurs de hockey. C'est plus qu'un livre sur le hockey, en fait. C'est un livre sur un être humain extraordinaire qui joue au hockey. Steve Bégin, c'est quelqu'un qui, très jeune, s'est permis de rêver. Ouais. Steve Bégin, c'est quelqu'un qui a été élevé dans un milieu très dur. Sa mère est partie. Steve avait un petit peu plus, même pas 2 ans. Un jeune frère qui avait pas 1 an, sa sœur 4 ans, son père alcoolique, sur l'aide sociale, très pauvre, a fait tout ce qu'il pouvait pour élever du mieux qu'il pouvait ses enfants dans un milieu violent, un quartier très tough à Trois-Rivières. Puis Steve Bégin n'avait pas un immense talent. T'sais, c'est clair que oui, novice, c'est un petit gars qui comptait plus que 100 buts par année. Mais après, en grandissant, par exemple, l'année de son repêchage dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, il avait terminé 8e marqueur de son club Midget 3. Puis a quand même été repêché relativement tôt en 2e ronde. C'est un gars qui n'avait pas marqué beaucoup de buts non plus, qui a été repêché dans la Ligue nationale. C'est un gars qui, avec le parcours de Steve Bégin également, on découvre aussi les coulisses un peu de, non seulement de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, mais de la Ligue américaine, ce qu'on peut pas avec la plupart des vedettes. Tu sais, les livres, des biographies de Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Patrick Roy, ces étapes-là sont sautées parce que ce sont des super joueurs, des exceptionnels. Mais ces joueurs-là, à la fin de la lecture, tu te rends compte que tu as dit waouh, parce que, en fait, c'est des livres de statistiques. Puis d'étonnement, c'est des talents phénoménaux. Mais le livre de Steve Bégin, c'est en même temps, je trouve que c'est inspirant à la portée de tout le monde. Pas nécessairement dans le monde du sport, mais même quelqu'un qui se fixe des objectifs en affaires ou peu importe, de courir un premier 5 km. Tu dis, Steve Bégin était capable de rêver à la Ligue nationale, puis de réussir à l'atteindre, puis de rester pendant une dizaine d'années. Ouais. Peut-être que moi, si je mets la même volonté, les mêmes efforts, peut-être que je pourrais aussi, en bout de ligne, parvenir à accomplir des rêves qui semblent impossibles au départ. Moi, je me rappelle l'an passé, parce que j'y ai fait une entrevue avec Steve Bégin, parce que lui avait fini son secondaire 5 l'année passée. Oui, il y a ça aussi. Et c'était U-Québec, quelque chose de même? Challenge U. Challenge U, oui. Et moi, j'ai demandé pourquoi Steve Bégin fait son secondaire 5 quand il n'y a probablement pas de problème d'argent. Puis moi, il m'avait répondu que c'était pour montrer à ses enfants l'objectif, d'avoir des objectifs dans la vie. Puis, si tu te rappelles, Luc, Steve Bégin était très fier d'avoir son secondaire 5, là. Ah, ben oui, c'est clair. C'était un bel accomplissement pour lui. Puis, je suis allé chez Steve, là, souvent pour les entrevues pour le livre. Et puis, la table de la cuisine chez Steve Bégin, c'était comme à la maison avant que mes enfants partent, là. Ouais. C'était des livres de devoirs partout, là. Puis, il mettait l'effort, là. Il n'y a pas eu de cadeau. Puis, comme tu dis, Steve, oui, il y a ça, mais aussi, il y a une compagnie en construction qui emploie 70 employés, qui brasse des millions, une compagnie en génie civil qui bâtit des ponts, des viaducs, des autoroutes, des trottoirs. Puis Steve Bégin met la main à la pâte. Donc, oui, puis l'après-carrière de Steve Bégin, il aurait pu avoir les deux pieds sur la bavette du poêle puis faire fructifier ses millions, mais c'est pas ça. Il veut être un exemple pour ses filles. Tous les matins, il se lève. Pendant qu'on a fait le livre ensemble l'an passé, nos entrevues, on les faisait à 7h05 le matin. Steve avait déjà une grosse heure et demie de fait. Là. À ce moment-là, il prenait la route pour s'en aller à Drummondville, où il était entraîneur adjoint avec les Voltigeurs. Ouais. Donc, c'est ça, Steve Bégin. C'est un intense dans tout. Puis c'est un être humain extraordinaire. Puis il était juste à la borderline aussi, dans la Ligue nationale. Fallait qu'il se batte à quasiment match par match, parce que c'est un joueur qui était fougueux. Puis il n'avait pas le choix d'être de même. Là. Non, tout à fait. Puis c'était pareil dans la Ligue américaine, mais c'est dans son ADN aussi. Ouais. Steve Bégin, au primaire, il se battait. Son père, c'était un correcteur de tasse, je peux dire. Ça cognait à la porte. Le père de Steve partait. Steve, à 6 ans, là, il en a vu du sang, puis à 7 ans, puis à 8 ans, la pomme tombe jamais loin du pommier. Le père à Steve, c'était quelqu'un qui avait ça dans lui, se faire respecter, si je peux employer l'expression. Puis il a toujours dit à Steve, Noël, c'est une fois par année. Okay. Tu veux quelque chose, arrange-toi pour l'avoir par toi-même. Puis Steve, c'est quelqu'un qui a toujours relevé ses manches, parce que justement, le frigidaire était vide à la maison, puis lui, il se disait, moi, je veux pas vivre là-dedans plus tard. Et puis, c'est comme ça qu'il a fait sa marque. Puis, il n'y avait qu'une façon de jouer, puis qu'une façon de s'entraîner. Dans le livre, on découvre qu'à son deuxième camp d'entraînement avec les Flames de Calgary, à l'époque, il n'y a quand même pas tant d'annexes à ça. À ce moment-là, il n'y avait pas le camp des recrues, puis le camp des vétérans. Tout le monde était mélangé ensemble. Puis, à la deuxième journée du camp, il a frappé le gardien Rick Tabarachi parce qu'il ne se tassait pas dans son chemin. C'est le gens, c'était ça. Tu te tassais ou il te pilait dessus. Puis, imaginez aujourd'hui. Là, c'est Rick Tabarachi, c'était le deuxième gardien, mais imaginez Keith Kincaid au camp d'entraînement, une recrue de 19 ans, qui le frappe, puis Kincaid qui revole les quatre fers en l'air, ben c'était ça, Steve Bégin. Pas de demi-mesure, jamais, jamais, jamais, dans les matchs comme dans les entraînements. Il y aurait eu tout, ce que tu étais en train de me conter, il y aurait eu toutes les excuses pour rien faire dans la vie, puis être une personne sur l'aide sociale, puis il y aurait eu, au lieu de ça, il s'est retroussé les manches, là. Oui, exactement, puis dans son quartier où... vous avez raison, là, dans le quartier où Steve a été élevé, Notre-Dame-de-la-Paix, Trois-Rivières, c'est un quartier très, très difficile. Hein, car probablement le quartier le plus violent de la Mauricie. C'est moins pire maintenant, fort heureusement. Là, mais à 12-13 ans, là, des copains de classe puis des amis de Steve, ils voyaient déraper, abus d'alcool, toxicomanie également qui était présente, puis... une des grandes fiertés de Steve de terminer ses études avec le Challenge U, compléter son secondaire 5, c'est que c'est à peu près le seul dans sa gang de chums ou de voisins, de garçons de l'époque, qui a complété ses études secondaires. Ah, c'est quand même quelque chose. T'sais, je me posais la question, pourquoi Steve Bégin? Mais là, après avoir lu le livre, après avoir pas lu le livre, mais après avoir vu la préface, après avoir vous parlé, je pense que c'est quelque chose qui va être très, très bien vu. Luc, donc c'est aux éditions Urtubis, c'est en vente actuellement, à peu près quoi, 250 pages à peu près, le livre, quelque chose comme ça. Donc, on peut se le procurer ici même à la librairie centrale. Luc, en terminant, t'es journaliste, évidemment, RDS, c'était au match hier, je t'ai lu sur Twitter. C'est drôle, hein, au Québec, les fans sont bipolaires. J'écoutais encore la 91.9 ce matin, on veut envoyer tout le monde. Ah, tu peux comprendre d'un certain sens, les deux défaites sont extrêmement frustrantes. Ouais. Celle de samedi, beaucoup plus que celle qu'hier. Samedi, le Canadien menait 4-0 contre les Rangers, qui n'est pas une bonne équipe. C'est impardonnable de s'être écroulé de la sorte. Ce qui est dommage dans le match d'hier contre un des meilleurs clubs de la Ligue, c'est que, tu sais, sincèrement, tout le monde pensait que le Canadien allait rebondir, puis allait avoir le couteau entre les dents à la suite de la contre-performance contre les Rangers. De perdre 8-1 contre les Bruins, dans le calendrier, ça peut arriver. C'est les deux matchs, un après l'autre, la séquence de 5 défaites. Mais il faut prendre du recul, là. Au début de l'année, personne voyait le Canadien en série ou à peu près pas. Moi, j'ai dit à tout le monde, je ne l'ai jamais caché, je crois que ce club-là va participer aux séries éliminatoires, mais qui va se battre jusqu'à la toute fin, qui va finir 7e, 8e. On est là. On est exactement là. Il manque deux joueurs importants. Jonathan Drouin, Paul Byron, qui ont été remplacés par deux gars de la Ligue américaine, Jordan Wheel, qui est un joueur d'utilité, puis Charles Hudon, qui n'a pas un club qui a voulu dans la Ligue nationale. Même si on l'aime, Charles, profondément, parce que c'est un Québécois, Il a été disponible pour tous les clubs de la Ligue. Personne ne l'a pris. Dans la Ligue américaine, à part les deux semaines avant son rappel, il ne cassait rien. Donc, Paul Byron et Jonathan Drouin sont remplacés par deux gars. Après ça... Carey Price, le mois de novembre, jamais. Je regarde sa fiche. Martin Leclerc a sorti sa fiche ce matin au 91-9. Depuis novembre, il n'y a jamais... Tous les mois de novembre, depuis 2016, il n'y a jamais eu une moyenne de 900. Les deux dernières années, c'était vraiment très pénible. Mais l'an passé, en décembre, il s'est replacé. Puis à partir de décembre, ça a été assurément dans les trois meilleurs gardiens du circuit. Puis l'autre point où il faut se calmer avec demander la tête de Claude Julien, c'est que Claude Julien n'a pas de défensive. Puis ça, je le clamais haut et fort pendant tout l'été, au camp d'entraînement aussi. Regardons la défensive du Canadien. Tu as Kulak, Riley Folan, qui sont au mieux des septièmes défenseurs. T'ajoutes cette année Ben Sherratt, qui n'est pas vraiment meilleur que Jordy Benn. Ensuite, tu as Mété et Fleury, qui sont deux petits gars de 21 ans, qui font des erreurs, c'est normal. Puis là, les gens disent, Claude Julien ne fait pas jouer les jeunes. Mais Fleury et Mété, ils jouent. Kotkaniemi, ils jouent. Suzuki joue, puis ils font des erreurs. Puis pour rester sur nos défenseurs, donc, t'as, comme je disais, Foley, Riley, Kulak, trois septièmes. Puis peut-être huitième pour la plupart des clubs. Deux petits culs de 21 ans qui font des erreurs. Après ça, tu as Sherratt qui n'est pas bon, mais qui n'est pas meilleur que Jordan, que Jordy Benn. Il reste qui? Il reste Petrie et Weber. C'est ça, les deux vrais défenseurs du Canadien. C'est nettement insuffisant. Puis on n'est pas au pays des licornes. Il manque un défenseur gaucher pour que le Canadien soit capable de jouer. Carey Price compense. Il a volé des points cette année. Mais quand il n'est pas exceptionnel... puis tu sais, tu regardes les buts, ça commence, il y en a qui auraient pu arrêter, là, mais les deux premiers buts des Browns, c'est des buts d'avantage numérique en première période. Le troisième, c'est Petrie qui fait une erreur, Marchand tout seul dans l'enclave, puis après ça, la chaîne débarque. Sur les huit buts hier qui ont été alloués par les deux gardiens du Canadien, il y en a six qui provenaient de lancer dans l'enclave. Oui, Price doit être meilleur, tout le monde doit être meilleur, ça commence avec ton meilleur joueur, ton plus haut salarié, ton joueur de concession, c'est Carey Price. Le problème à Montréal, c'est que l'argent est investi sur un gardien de but. Quand Price est ordinaire pendant 5-6 matchs, c'est très difficile. Quand Ovechkin, quand Connor McDavid traversent des séquences de 5 matchs sans marquer de but, ils ont des comptes à rendre, mais l'impact est moins sérieux sur l'équipe, je pense. Ouais. Luc, merci beaucoup. Très intéressant. Je vais lire ça dans le temps des fêtes. On a pas mal de lectures avec ton livre et celui du coach. Fait qu'on va lire ça dans le temps des fêtes. Parfait, merci beaucoup. Luc Gélinas du Réseau des Sports.